Sing the song, what song? Comment tu t'appelles? Ok. Wepa! Ça, c'est la techno soukous. Ah oui, l'homme, le propriétaire de tous les dossiers. vecchio. E con la cacca e a corrotte la la corrotte se na bonde la Sokina bamba na bonde la oh Kinguya bamba se na bonde la Sherina kaimo na bonde la Chipa se bamba na bonde la ya bonde la I love you. Gas, gas, gas, gas. Hela. Oui, mon bébé. Elle est dans la cuisine. Oui, chérie. Au travail. Oui. En voyage. Ouais. Elle est à l'école. Yeah. Mario. I love you. See you next time.